ladies and gentlemen. It's the Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gamozo pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Pour l'émission de ce soir, comme je l'avais déjà annoncé sur la page Facebook, d'ailleurs, petite note, hein, qu'on soit bien d'accord, cette émission n'est pas en direct pour une fois. Donc pour l'émission de ce soir, qu'aura été enregistrée... C'est même pas vrai, on est en direct. Hein. Si, 18h passé de 1 minute, on est en direct. Ah bah oui, si tu veux, Lissigno, je te laisse décrocher le téléphone au cas où on invite les auditeurs à appeler, bien entendu. Donc, comme je le disais, oui, on n'est pas en direct, mais comme je l'avais annoncé ou comme je l'aurais annoncé, on va parler au conditionnel sur la page Facebook et dans l'émission du mardi soir, on va parler d'une page Facebook gérée par Lissigno qui est là avec nous, la page Emploi Vosges. Donc, bah, avant tout, bonsoir Lissigno. Bonsoir Lou. Et il y a aussi avec nous Cassandra, notre service civique. Donc bonsoir Cassandra. Bonsoir. Bonsoir Cassandra. Bonsoir Lissigno. Elle est belle, hein? Ouais, je sais. Très jolie. Je sais. Une belle voix douce. Sympa. Donc pour l'édition de ce soir, hein, comme on le disait, si tu es là ce soir avec nous, Lissigno, c'est pour parler de ta page, de ton activité aussi, parce que je pense que ça fait un moment qu'on t'a pas trop entendu sur nos ondes FM, non? C'est vrai, ça c'est pas faux ça. Aussi, on m'a entendu à la porte ouverte. Ouais. Pour ceux qui ont écouté La Porte Ouverte ou qui sont venus à La Porte Ouverte de Radio Gamozo, bah j'étais là, hein, j'ai même fait la technique et ouais, j'ai pris un peu le micro de temps en temps. Voilà. Ouais. Et... Non? Si, et j'allais dire, tant qu'à faire, merci beaucoup d'avoir pris le relais technique, hein, parce que faire l'animation, la technique et tout ce qui va avec, c'était compliqué, c'est un gros travail. C'est sympa quand même, c'est un bon boulot ça. Si, ça, on peut faire les deux, c'est sympa. Ben, très contente que tu aies été là, que tu aies participé. Et oui, parce qu'on te connaît quand même, ça fait un moment que tu es à la radio. Hein, Non, mais je suis trop vieux, ça, pour ça, il ne faut pas le dire. Non, mais tu avais occupé un créneau de quotidienne en direct. Ouais. Après. À tes mêmes horaires, 18h, 19h. Ah, je ne savais pas les horaires, je savais juste que tu étais en 20h semaine comme moi. Après, tu as eu Hit & Co. Oui. C'est dommage que ce soit plus là, mais émission musicale avec des choses plutôt récentes. C'est ça. Oui, qui était très intéressante. Et les musiques, on n'entend pas sur Radio Gamozo. Non. C'est pas beau, hein. Mais maintenant qu'on peut entendre le vendredi soir dans le billet de sortie. D'accord. À la tienne. Merci. Oui, parce qu'il faut dire aux auditeurs hein, que parler, ça donne soif, donc bah, j'ai ma bouteille à porter si jamais. Et oui, comme je le disais, si tu es là ce soir aussi, c'est pour ta page Emploi Vosges, ta page Facebook, parce que c'est bien toi qui l'as créée, c'est ça? J'ai créé cette page, ouais, Emploi Vosges. Ouais. Ça fait, avant toute chose, combien de temps que tu l'as créée? Oula, alors c'est une bonne question, je ne sais même plus. 3-4 ans, non? Ça doit être ça, je crois. Je crois que la création, ça doit être de 2015, ouais, donc ouais, 3 ans. Et on doit être ça. Ouais. Ouais. Et comment t'es venue en fait l'idée et l'envie de créer cette page? Alors, c'est tout bête. Je suis passé devant une boutique sur Remiremont, hein. sans citer de nom à la boutique. Et puis j'ai vu un petit panneau comme quoi ils cherchaient un vendeur. Et je dis, ouais, bah, c'est sympa, mais si t'habites Sanabor ou ailleurs, un peu plus loin, et puis que tu passes jamais devant cette boutique, tu ne sais pas qui cherche un vendeur. Alors du bouche à oreille, c'est bien. Hein, si tu as un ami qui passe devant, tu dis tiens, tu y cherches la boutique là, cherche un vendeur. Mais pour plus d'infos, enfin bref quoi. Et donc je me suis dit mais bon après il y a l'option Pôle Emploi et je suis rentré à la maison je cherche sur Pôle emploi, voir si l'offre était sur Pôle emploi, et elle n'y était pas. Donc je me suis dit, mais c'est des petites offres cachées, ou alors non publiques, je ne sais pas. Enfin, voilà, donc il fallait les mettre en évidence, je pense. Donc ça a commencé comme ça, je me suis dit, ben, on va créer un truc. Et l'endroit où on passe la plupart de notre temps, enfin plus pour mon cas, c'est Facebook, les réseaux sociaux, Twitter, les choses comme ça, Snapchat maintenant, ça doit être ça, hein, si je ne me trompe pas, Cassandra, hein, les trucs, voilà. Pas donc, de ton âge, quoi. Pas de ton âge. Pas de mon âge, non, je me fais vieux, ça doit être ça. Mais ouais, donc Facebook, les choses comme ça. Alors, quoique Facebook, ça devient has-been. Hein. Un peu, ouais. Hein, c'est ça. Donc à l'époque, ouais, la plupart du temps, et moi d'ailleurs, je passais mon temps presque là-dessus. La première chose que tu fais le matin en te levant, c'est... Ce que fait encore ma femme en se levant, c'était Facebook. Voilà, c'est Facebook, c'est regarder ce qui se passe sur Facebook. Des fois, il se passe quelque chose de la nuit, un tremblement de terre, bref. Et donc, ouais, tu passes, si tu as l'application sur ton téléphone, puisqu'on a tous des applications sur nos téléphones modernes, on a l'application Facebook. Si on ne clique pas 10 fois dans la journée dessus, on n'est pas normal, hein, c'est un peu ça. Hein, on prend une photo, on la pose dessus directement. Donc voilà. Donc l'endroit était idéal, Facebook, où on passe tout le temps et où elle pouvait être visible. Donc je trouvais que c'était le bon raccordement, on va dire ça. Ouais. La bonne sauce, quoi. Voilà, qui allait ensemble. L'offre d'emploi qui n'était pas trop visible et publié sur un site, donc un réseau social, sur des réseaux sociaux, un réseau social, voilà, donc Facebook, le plus connu, et puis et ben, des millions de personnes qui pouvaient voir cette offre d'emploi, voilà. Qui pouvaient accéder tout simplement, donc comme tu le disais, à des conseils. Enfin, on va venir dans quelques instants sur les grandes lignes de du groupe. Parce que en fait, c'est vrai. Je pense à corriger. C'est pas une page, c'est un groupe qu'on peut rejoindre. Moi, je l'ai sous les yeux. D'ailleurs, il sera indiqué avec le podcast sur la page Facebook. Et en fait, tu l'as dit, tu l'as créé il y a 3-4 ans. Et est-ce que ça s'est lancé tout de suite ou ça a mis du temps avant de prendre... Ça a mis du temps. Ouais. Ouais, ça a mis du temps. Ça n'a pas pris tout de suite la mayonnaise. Non, on n'a pas pris tout de suite. Après, ça a commencé du bouche à oreille, les choses comme ça. Et puis, toutes les offres, je pouvais me balader à Épinal. Et je voulais. C'est vrai que je voulais au début atteindre juste Remiremont. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi Remiremont ? Parce que une personne d'Épinal qui cherche un boulot de vendeur, il peut venir à Remiremont. C'était à 15 minutes de là. Donc, il n'y a pas de souci pour travailler. Avec la voie express, c'est pratique. Donc. Je pense qu'il fallait toucher un peu tout le monde, donc je pensais les Vosges. Après, je me suis dit, mais pourquoi pas toute la Lorraine ? On va s'arrêter aux Vosges, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup, puisqu'on est plus de 7000, 8000, je crois, dessus, hein, sur le groupe. Hein. Ah oui, quand même, ouais. 8000. Ouais, 8000. Et qui viennent, j'imagine, de toutes les Vosges. Hein. Toutes les Vosges, ouais, et eux, même d'à côté. Hein. Il y a certaines personnes qui sont juste à la frontière, style Bussan, et puis... Vous avez la ville, le petit village qui est juste en bas. Urbès, voilà. Donc, y a des gens qui sont d'Urbès ou de Saint-Amarin, qui font partie de la page Emploi Vosges, parce que c'est juste à côté, quoi. Dès qu'il y a un boulot à Bussan ou Saint-Maurice, ça peut les intéresser aussi. C'est pas très très loin, donc ça peut être intéressant. Voilà. Et en matière de d'emplois proposés, il y a vraiment toutes sortes de d'emplois qu'on peut trouver. Alors, il y a toutes sortes. Donc, comme je t'ai dit au début, donc j'ai commencé par une offre qui était donc visible sur la vitrine d'un magasin. Donc, ça a commencé comme ça. J'en ai vu plusieurs. J'ai publié à chaque fois des choses comme ça. Et puis, il y a toujours aussi des offres cachées. Alors, il y a des sociétés ou des offres internes, mais qui peuvent peut-être pas intéresser les employés internes. Donc, ça peut toujours intéresser. On peut dire que c'est du piston, quoi. C'est plus ou moins du piston, non ? Tu parles d'emploi interne, c'est ça ? Non, la page Facebook, c'est un peu du piston. Ah. Ouais, parce que l'emploi interne, si, à part la personne ou les employés de la société qui peuvent être intéressés par l'offre, ou alors leurs enfants ou leurs amis, parce que ça peut, c'est interne, mais ça peut, ça reste interne, mais ça, n'importe qui peut postuler dessus. Voilà. Non ? Si, bien sûr, n'importe qui peut postuler, comme tu l'as dit, c'est une sorte de relais, c'est ça que ça se veut, hein, de créer aussi, à partir d'un réseau social, un outil de communication et de transmission, je pense, des informations. Et d'ailleurs, pour transmettre ces informations, il n'y a que toi qui le fais ou un autre administrateur ? Ah non, il y a plusieurs administrateurs. Moi, je ne fais plus rien. Je vais même dire que je ne fais plus rien. Je ne vais plus sur Facebook. J'ai plus cette maladie, j'ai plus cette application sur ce téléphone. D'ailleurs, ma batterie s'en porte mieux. non, je ne vais plus là-dessus. Donc c'est vrai que je les remercie énormément. Je remercie ma femme, je remercie ma sœur, Aline, je crois. J'ai plusieurs administrateurs, je peux pas les citer tous. Je les ai plus en tête, mais je les remercie beaucoup parce que ben ils font le boulot, le job. Parce que déjà Emploi Vosges, on s'était fixé une, enfin moi je m'étais fixé une idée, c'était l'emploi. Alors l'emploi, c'est, on parle de travail, hein, pas de commerce, de business. On n'est pas là pour se faire de l'argent. Bon, moi, je voulais pas me faire de l'argent. J'avais aucun intérêt, quoi, à faire de l'argent. Quand j'ai créé cette page-là, j'ai dit attends, ouais, mais il y a plein de VDI, alors vendeurs à domicile indépendants. Là, c'est pareil. Ça, c'est un peu un business. Ouais. Voilà, c'est pas tout à fait un emploi. Parce que si tu fais pas de vente, t'as rien. Si tu vends pas, t'as que voilà, dalle. On est d'accord, hein, tupperware, les choses comme ça, je vais en citer plusieurs d'autres, les parfums, les produits ménagers, ouais, voilà. Il y en a plein. Voilà, si tu fais pas de vente, bah, tu touches rien. Et puis c'est souvent, VDI, c'est un partenariat en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui te pistonne et puis il touche un 10%. Ah, voilà, c'est ça. Donc c'est un business quoi. C'est pas du boulot. Enfin, je trouve pas que c'est... Je sais pas. C'est du parrainage, en fait. D'accord. Et à chaque fois que le parrainage est conclu, la personne qui a fait rentrer l'autre personne dans la boîte, ouais, je sais pas s'il y a de la commission... Oui, de la com, voilà. Je pense. Je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on peut appeler ça un emploi ? Bah non, parce qu'en fait, si les gens vont vers les autres, au contraire, c'est pour qu'eux, ils s'enrichissent de leur côté plus, quoi. On est d'accord. Donc voilà, donc le VDI, ça, c'était interdit. C'est la première chose que je me suis lancé dessus, enfin, quand j'ai lancé la page, je me suis dit, attends, le VDI, c'est pas du boulot. C'est pas du travail, quoi. On peut pas considérer... Je considère ça plutôt qu'un petit à côté, quoi. Bah, t'as pas d'horaire, c'est toi, tu fais ta vie, quoi. Ça, puis hein, si t'as pas de vente, t'as rien. T'as rien, t'as zéro. C'est pas un t'as pas un petit salaire ou un fixe, quoi. Ouais, t'as voilà, rien. On est d'accord, voilà. Nous non plus, on n'a plus de retour au micro. J'ai plus de retour. Ah, ça y est. Le retour au micro est revenu. Oui, je disais non, on est d'accord sur les VDI, sur ce que c'est. Parce que je vois qu'il y a aussi une charte sur les choses qui sont interdites ou non. Et d'ailleurs, en voyant le temps qui défile, on va peut-être s'écouter une première pause musicale. Tu as proposé du téléphone. Ah ouais. Donc j'ai choisi le morceau Un autre monde qu'on va se découvrir et s'écouter. Moi, je rêvais aussi d'un autre monde. Et on se retrouve juste après sur le 107. Ouais, oui. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM. Vous avez à l'instant écouté le morceau Un autre monde du groupe Téléphone. Toujours avec Licinio et Cassandra pour parler de à toi ta page, Licinio, emploi vos, enfin ton groupe, excuse-moi. Et juste avant la pause musicale. Je vois pas trop la différence. La page, tu peux aimer le groupe, tu y adhères, mais. Pour que les autres acceptent. Voilà. C'est des nuances, mais bon, après, c'est des petits détails, hein. Je crois pour certains, il faut remplir un formulaire, mais c'est pas difficile d'adhérer à des groupes. Enfin bref, on va peut-être pas s'étendre sur la nuance. Mais s'il y a une chose, oui, que je disais juste avant la pause musicale, c'est qu'il y a une charte sur ton groupe, une charte qui est importante de respecter. Donc tu as dit avant toute chose que tu proposes pas de VDI, hein, comme tu disais, vendeur à domicile indépendant. Parce que si j'ai bien compris, le but de ta page, c'est que les gens trouvent du travail. Oui. Pas qu'ils soient là pour se faire du business et surtout pas de l'argent sur le dos des autres, comme c'est le cas des, enfin, de beaucoup de VDI avec les, comment dire, les rémunérations en pyramide. Mais ça, c'est ça. C'est des systèmes très, très compliqués et c'est un petit peu difficile à comprendre, même pour ma petite tête. Donc, mis à part les VDI qui sont bannis, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est inscrit dans la charte et qu'une personne qui veut intégrer ce groupe, qui sera encore une fois intégrée dans le podcast de l'émission, quelles sont les choses à respecter ? Voilà, je trouvais ma phrase. Quelles sont les choses à respecter ? Oui, enfin, concernant la charte. Bah, tu l'as devant tes yeux. Oui, mais ce serait bien que tu la dises aux auditeurs, sinon. Je l'ai plus devant les yeux, moi, je ne l'ai pas devant les yeux. Je ne la connais pas par cœur. Quel dommage. Qu'est-ce qu'il y a dans la charte qui te perturbe ? Non, il n'y a rien qui me perturbe. En fait, vu que tu l'as dit, j'ai la charte sous les yeux, donc on va peut-être détailler les choses avec toi. Allez, vas-y. Donc, tu disais, donc, mis à part les VDI, tu parlais de pas d'arnaque et autres appels à crédit. C'est pollué sur Facebook, ça. C'est ça. Il y a toujours des gens qui te polluent. Et puis, je ne sais pas comment ils arrivent à poster en même temps. Enfin, ça doit être un robot, un truc comme ça, qui poste à chaque fois le même message, qui valide, tac, tac, tac, ils en posent à 50 000. Et tu passes 2 heures à vérifier les choses comme ça. Alors maintenant, il y a au point de vue de la charte, il faut l'accepter. Et puis après, il faut donner ses motivations, pourquoi on rentre dans le groupe. Parce que on rentre plus comme ça. Avant, on pouvait rentrer comme ça facilement. Maintenant, c'est plus compliqué de gérer. Et puis, c'est beaucoup de boulot pour les administrateurs. Donc, il faut aussi montrer ses motivations. Pourquoi on rentre? Pourquoi on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on vient faire? Si on vient poser des offres d'emploi ou si on vient en chercher? Si on vient chercher du travail aussi? Parce qu'il y en a certains, ils viennent pas chercher du travail. J'ai juste fouillé ou je sais pas ce qu'ils viennent faire d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, il faut quand même montrer un peu patte blanche, quoi. Ça, c'est sympa. Oui, parce qu'après tout, le but de cette page, comme tu l'as dit, c'est que les gens, à terme, trouvent un emploi. Oui. On parlera après des différents cas de figure, des différents emplois qu'on a trouvés, mais tu as parlé d'arnaque, d'appel à crédit, comme tu as dit, ça pullule, mais ça pullule partout. Après, tu as parlé aussi de publicité et d'autres petites annonces. Qu'est-ce que tu entends par là ? Écoutez, toutes les deux. C'est pas le bon coin. Les petites annonces. Ouais, voilà, c'est pas le bon coin. Mmh. Ouais. Les gens, toujours, ils abusent. C'est ça. Hein, moi, je suis auto-entrepreneur aussi. J'ai jamais mis ma publicité comme quoi je proposais un service que je pouvais faire. Je réparais de l'informatique ou des téléphones, quoi. Je sais que je le fais, mais je ne vais pas le mettre sur la page Facebook. Je suis auto-entrepreneur. Si vous cherchez quelque chose. C'est pas du travail, ça. C'est une publicité, simplement. C'est juste pour te donner plus de travail à toi, mais ce n'est pas pour proposer un emploi. On est bien d'accord. Voilà, donc en effet, dans ce genre de cas-là, ce n'est pas constructif, ça ne peut pas aider les membres du groupe. Ensuite, je pense que ça se passe de commentaires, de parler de courtoisie. Ça me paraît logique, quoi. Enfin, on rentre dans un truc, on respecte les gens. C'est de la communauté. Voilà, c'est une communauté, voilà, on est d'accord, on se respecte les uns les autres, quoi. Après, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, mais on peut montrer son désaccord, mais en restant courtois, quoi, tout simplement. Et une des dernières choses que tu as notées aussi dans la charte, qu'il était important de bien lire les annonces parce que c'est déjà arrivé, je pense, à chacun d'entre nous de tomber sur des offres d'emploi un peu frauduleuses, un peu brumeuses comme ça, sur lesquelles on... Ils essayent toujours et on essaye déjà à l'époque de les vérifier. Hein, on vérifie les sources, les choses comme ça, savoir si c'est des vraies offres d'emploi, parce que même sur Pôle emploi, on trouve des offres d'emploi, c'est des fantômes. Il faut envoyer des chèques, des trucs comme ça. Déjà, pour travailler, il ne faut pas donner de l'argent. Quand on va travailler, c'est pour qu'on nous paye, pas qu'on donne de l'argent. Donc, quand vous commencez un travail et que vous commencez à donner de l'argent, c'est pas normal. Faut s'arrêter, il faut se poser des questions. Donc, nous, on essaie de vérifier les offres d'emploi. Donc, de voir les sources, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et puis, maintenant, on a aussi des agences intérim sur la page. Ah oui. Il y a plusieurs agences intérim qui ont intégré la page. Il y a aussi la mission locale qui a intégré la page, enfin, qui sont venues sur la page, qui proposent aussi des offres d'emploi. Donc, c'est bien, quoi. C'est sympa, tout ça. Tout le monde participe. Ouais. Et c'est vraiment, je te dis, c'est devenu un truc immense que je ne gère plus. Moi, non, je ne gère plus parce que j'aime plus Facebook, c'est pour ça. J'ai fait une overdose là-dessus, mais c'est tout. Mais je suis fier quand même de ce bébé, quoi. J'ai créé ça. Après, je mets pas une pancarte, ouais, c'est moi le patron d'Emploi Vosges. Non, je suis content d'avoir porté ma pierre à l'édifice, tu vois. Tout simplement, en restant modeste. En restant modeste, mais comme tu as parlé de « oui, c'est toi le patron » ou des choses comme ça, je pense qu'il y a peut-être une chose qu'il est important de préciser. Ce groupe-là ne génère aucun revenu, ni pour toi, que ni pour tes administrateurs. Ah, je touche à rien. Non, je suis toujours pareil. Je suis toujours aussi fauché. Voilà. Ça a aidé beaucoup, beaucoup de personnes. Je suis content, parce qu'il y a beaucoup qui ont trouvé du travail grâce à cette page. Et pas moi. Bon, mais après, je m'occupe déjà de moi, c'est déjà pas mal. Mais je suis content parce que, ouais, il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous féliciter, nous remercier. Il y a des messages sur la page qui sont venus, ouais, grâce à cette page, j'ai trouvé du travail. Ouais, c'est génial cette page. Ouais, grâce à ça, j'ai trouvé du travail. Et quand t'entends ça, et moi je suis discret, j'entends ça, ouais, grâce à la page Emploi Vôtre, j'ai trouvé du boulot, des machins comme ça. Je suis content. Mais je le montre pas, je fais, ouais, c'est moi, t'as vu ce qu'il a dit, l'autre. Non, bon, je dis ça à ma femme discrètement, je fais, t'as vu, t'as entendu, ouais, j'ai entendu. Mais je vais pas lui dire, ouais, c'est moi qui ai créé la page. Je suis content pour lui qu'il ait trouvé du travail ou grâce à ça, voilà, mais c'est tout. Je reste discret. Tu restes discret et modeste. Moi, je me suis éloigné des réseaux sociaux. Ouais. Oui, bah ça, je le vois bien, je sais bien. Mais voilà, après tout, c'est ça ce que ta page a généré de très beau. Elle a créé de belles histoires avec des situations en emploi, parce qu'après tout, le contexte actuel est un petit peu compliqué. Je pense qu'on va faire un point sur le contexte actuel et aussi les situations que tu as rencontrées après la pause musicale suivante. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que nous tous, on a tous faim de vivre, et d'ailleurs c'est le titre de la pause musicale de Jacques Simard, J'ai faim, qu'on s'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. J'ai faim à m'en bouffer les doigts. Si ça savez à quel point j'ai faim, reste encore, crois-moi, je serai gargantuan jusqu'au bout de la fin. Je veux bouffer mon combat, mais comment laisse le droit jusqu'au bout du festin. J'ai la faim de revanche, béante et viscérale, de mordre en chaque tranche, de ma vie jusqu'à la moelle. J'ai les instincts sauvages et le désir vorace. Je suis un lion de cage et je ne tiens plus en place. J'ai les crocs de mon maître, plein le cœur et la panse, et puis plein les mirettes et combler mes silences. Apaiser mes aigres, mes dedans l'estomac, croquer les plus belles heures de mon dernier combat. J'ai faim à m'en bouffer les doigts. Si tu savais à quel point j'ai faim, explore encore, crois-moi. Jusqu'au bout de la fin, je veux bouffer mon combat, mais comment laisse le droit jusqu'au bout du festin. J'ai la faim dans l'eau qui vient crier famine. J'ai l'envie qui ravine au revers de mes jours. J'ai mes petites dents pointues, prêtes à sauter au cou, prêtes à croquer toute crue ma vie par tous les bouts. Et serrer mes mâchoires de jeune chien enragé autour de mon histoire qui voudrait m'échapper. Avec la faim au ventre, alors ton ventre, je voudrais me remplir. J'ai faim à m'en bouffer les doigts. Si tu savais à quel point j'ai faim, ouais, je peux encore, crois-moi. Je serai gargantuan jusqu'au bout de la faim. Je veux bouffer mon combat, mais comment laisse le droit jusqu'au bout du festin. J'ai faim. De retour sur Radio Gamozo 107 FM, vous avez écouté J'ai faim de Jacques Simard. Vous êtes toujours. Va manger, hein, c'est tout. Il y a encore l'heure, tout à fait. Hein. Non, mais comme on le disait, hein, on a faim, surtout, on a faim de vivre, on a faim de s'en sortir, on a faim de trouver un emploi quand on n'a pas la chance d'en occuper un. Hein. Et c'est ce que tu as créé, en fait, un petit peu avec ton groupe Emploi Vosges, hein, je le rappelle. Hein, oui. Là, une page, ou un groupe, pardon, sur lequel transitent des demandes, des offres d'emploi aussi, des gens qui cherchent des emplois, enfin, toutes sortes de choses. Et tu le disais avant la pause musicale, il y a quand même de belles histoires qui se sont créées, des gens qui ont trouvé des emplois. Et quelle sorte d'emploi, en fait, ils ont trouvé, sans entrer trop dans les détails, hein. Oh, mais toutes les sortes, enfin, il y a toutes les offres d'emploi. Alors, lesquelles, j'en sais rien du tout. Je pourrais plus te rémunérer toutes les offres d'emploi qu'il y a. Mais il y en a tellement. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits remerciements, quoi. Une petite fierté, quoi. Tu vois, t'as servi à quelque chose, quoi. Oui, bah hein? Oui, j'imagine, ça se comprend. Donc, on a vraiment trouvé de tout. Hein. T'as dit, il y a des agences d'intérim qui se sont greffées sur la page, ouais. La mission locale aussi, à qui on passe le bonjour. Pôle emploi aussi travaille avec la page Emploi Vosges. Eh ben non, je crois pas. Ah, c'est dommage. Mais bon. Quoique. Quoique. Je sais pas. Je dirais peut-être discrètement ils y sont, mais ouais, je sais pas. On voit pas directement, enfin on voit pas Pôle emploi quoi. Hein? Non, on les voit peut-être pas, mais dans tous les cas, hein, tu l'as dit, il y a toutes sortes, s'il y a toutes sortes de structures qui se sont greffées au projet, il y a aussi toutes sortes de contrats qui ont pu être trouvés, donc de l'intérim, du CDD et du CDI. Mmh. Le graal absolu dans la recherche d'emploi. Donc autant dire, oui, c'est tout à fait possible de trouver un emploi. Après, bon, j'imagine, c'est pas miraculeux non plus. Il faut qu'il y ait le bon emploi, qu'il y ait la bonne personne. Mais en tout cas, via cette page Facebook, c'est prouvé que c'est possible de trouver un job. J'ai servi à quelque chose, ouais. Oui, là on peut. J'ai servi à quelque chose. Tu vois que je sers qu'à s'en rendre quelque chose. Pour une fois, oui, j'avoue que. T'es gentil, merci. Peut-être que j'y serais menée à chercher à du travail sur ta page. Bravo, voilà. Mais bon, c'est toujours la bienvenue. Quand je vais taper ça sur Facebook, je vais voir ta tête. Ah non, tu vois pas ma tête. Ah non, tu la vois. Non, on voit pas ta tête, mais moi dans ma tête, je vais imaginer ta tête forcément. Ah bah, t'auras un beau gosse. Parce que tu m'as traumatisé en fait. Et ici, non. Si. Ah bon. Il faut bon. Le dire. D'accord. Tu traumatises les gens, oui. Ah bon. Ah. Elle plaisante. Hein. Voilà, d'un côté, tu faut as des virer, gens à cette trouver. Dame-là. Ben oui, bien sûr. Donc, je disais, d'un côté, tu aides les gens à trouver un emploi. Enfin, tu aides. Hein, cette page, en fait, c'est un tremplin, un coup de pouce. D'un autre côté, t'en traumatises d'autres. Hein. Mmh. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Parce que oui, non, si... mais que les auditeurs comprennent, c'est de l'humour, hein, ce qu'elle vient de dire. Ah oui, oui, c'est. Il est traumatisant, mais on se tire pas dessus. Dans les bonnes choses, on va dire. Ouais. Oui, mais pour en revenir à nos moutons, parce que sinon je suis encore capable de perdre le fil. Oui, on est ici déjà dans un bassin, dans un département, et à une époque où c'est quand même assez difficile de trouver un emploi. Bah oui, il n'y a plus grand chose, hein, malheureusement. Tout part en lambeaux. Moi j'ai peur hein, pour mon avenir. On a franchement, peur, moi j'ai la crainte. Hein. Okay. T'as quel âge? 18 ans, ouais. C'est ça hein. Mmh. Toi, ouais, je comprends qu'elle ait peur hein, parce qu'il n'y a plus grand chose. Avant. Enfin, elle n'était pas née il y a 20 ans de ça. Il y avait des usines partout et il n'y avait pas de soucis pour travailler. Quoi. Ah, ça commençait déjà un petit peu... Ouais, mais voilà. Mais il y avait encore du boulot. Quoi. Mais là, il n'y a plus rien. Le bassin de l'emploi est dans le secteur de Remiremont et dans les Vosges. Même. Visuellement, il paraît que c'est partout pareil. Hein. Bon, il paraît que la misère est meilleure et moins dure au soleil, mais d'après Léo Ferré. Mais je me dis, pourquoi pas, non? Oui, et j'imagine que c'est peut-être aussi une des raisons qui t'a poussé à créer cette page. Peut-être parce que toi, tu n'arrivais pas à trouver d'emploi et que dans ton entourage, tu connaissais des gens qui ne savaient peut-être pas où s'adresser. Bah ouais, moi, j'espérais au fond de moi que ça allait me rendre utile aussi parce que j'allais peut-être trouver aussi du boulot et puis me passer cette page-là et puis la redonner à quelqu'un. Et en fait, non, je l'ai toujours dans les mains. Je cherche toujours du travail hein, dans l'informatique, tout va bien. Mais ouais. Enfin, je sais pas. Ce petit bébé-là, ouais, j'aurais bien aimé mon... Enfin, j'aimerais bien qu'un jour on me dise... Bah écoute, t'as servi à quelque chose, mais c'est fini maintenant, on n'a plus besoin de toi. Ça serait bien, ça. Peut-être. Oui, mais on en était... Oui, toi, c'est vrai que tu aimerais aussi que ça te serve à trouver un emploi, parce qu'actuellement, voilà, t'as dit, t'es en tant qu'auto-entrepreneur. Même en tant qu'auto-entrepreneur, c'est pas forcément facile de s'en sortir. On n'en vit pas, non, ça c'est sûr. Ouais. Non, on ne vit pas notre métier, quoi. Non. Enfin, non. Enfin, je connais pas un auto-entrepreneur. Alors, s'il y en a un qui l'appelle, hein, je veux bien, je dis ce qui m'intéresse, et puis j'essaierai de me brancher sur son métier. Mais je connais pas un auto-entrepreneur qui vit de son métier. Voilà. Qui vit de ça. C'est dommage. C'est dommage. Bah oui, c'est oui. Censé être l'avenir. C'était censé être le but, ouais. C'est pas faux. Donc, mais là, non, je connais aucun auto-entrepreneur qui vit de ça. Ben moi non plus pour l'instant, mais s'il y a un auto-entrepreneur qui nous écoute, qui s'en sort bien et qui veut peut-être témoigner dans nos micros, n'hésitez pas à envoyer un mail à lou@radioguimauzo.eu ou à nous appeler au 03 29 62 40 40. Comme ça, je me ferai un plaisir de vous mettre en avant, comme je mets les signaux en avant en ce moment. Sans Cassandra. Hein. Cassandra, elle participe aussi. Ouais. Cassandra participe à l'émission, mais je ne sais pas si j'ai encore besoin de te remettre en avant. Hein. Je crois que ton émission à l'écoute des jeunes est bien lancée maintenant. Ça va. C'est un peu compliqué, mais ça va. Alors, c'est un rouage à mettre en place, je pense. C'est ça. Et donc, à l'heure à laquelle vous nous écoutez, hein, mercredi 17 octobre, Cassandra, ce sera quand ta prochaine émission ? Jeudi de la semaine prochaine. Donc, jeudi, je cherche mon agenda dans sur les 26. Là, ce sera avec l'association Agir Ensemble. Agir Ensemble, d'accord, c'est sympa ça. C'est une belle association. Ouais, ils font des chantiers solidaires. C'est ça. Construction d'écoles, de salles de soins au Sénégal. Enfin, sur leur page, ils vivent beaucoup de solidarité et de bénévoles, quoi. Mm-hmm. Mais ils ont des, enfin j'ai vu sur leur truc Facebook, ouais, ils ont pas mal de projets, ils font pas mal, tu sais, d'actions pour rassembler les bénévoles. Et financièrement, ils s'en sortent, hein? Bah je sais pas justement. Ça sera la bonne question, on écoutera jeudi, c'est ça. Ouais, moi là, je sais qu'ils ont construit une salle de classe au Sénégal en août 2018. D'accord. C'est le dernier chantier qu'ils ont fait. Donc on aura hâte d'en savoir plus jeudi 25 octobre à 15h. Merci. On sera tous à l'écoute des jeunes avec Cassandra. Oui, comme on disait... à l'écoute des jeunes, pas à l'écoute des vieux. C'est le titre de l'émission de Cassandra. Elle s'appelle à l'écoute des jeunes. D'accord. Oui, d'accord. Parce que c'est la mission pour laquelle elle a été engagée. Ok, ça marche. Il faut rappeler aussi aux auditeurs... L'émancipation des jeunes. Voilà. D'accord. Donc nous sommes aussi à l'écoute. Tu veux te faire émanciper. Bon, tout de suite. Non, bah pourquoi pas. Hein. Oui, ouais. Ouais, pourquoi pas. Donc, revenons encore à l'emploi, sinon on va encore se perdre. Oui, c'est pas faux. Revenons à nos moutons. Parce qu'après tout, l'emploi aussi, la recherche d'emploi, c'est, un parcours du combattant qui concerne tout le monde, en fait. Peu importe son origine, son sexe, son âge aussi. Alors là, je compte beaucoup. Hein. Dès que tu as dépassé les 40 ans, ça commence à piquer un peu. Hein, les patrons sont serrés les fesses. Enfin, plus réticents. Ouais, plus réticents, voilà. J'allais être vulgaire. Mais je te remercie, Cassandra. Parce que ouais, plus réticents, c'est vrai que par rapport à ça, on préfère les jeunes, quoi. Parce qu'on a déjà la santé, on va dire, entre guillemets. Ah bah là, ouais. Les employeurs, là-dessus, t'es jeune, t'as la santé, ça y est, on te prend. Moins de risques d'arrêt maladie, etc. Ouais, enfin après, une femme, oui, par c'est rapport aussi à la contraire, grossesse, hein. Voilà. Hein. Après, moi je suis pour l'égalité des sexes, deux, trois, j'y arriverai, l'égalité des sexes, l'égalité des salaires, parce que le même travail égale le même salaire. Moi je suis d'accord là-dessus, mais il faut faire le même travail. Hein. Faut faire le même travail. Faut pas dire que le clou, mais je peux pas le faire ou je peux pas visser. Hein, faut prendre le tournevis, faut aussi visser, des choses comme ça. Hein, je veux bien avoir le même salaire. Je suis d'accord pour le même salaire, l'égalité des sexes, là-dessus, je suis d'accord. Mais il faut faire exactement le même travail. Ah ben ça, je pense, on peut en trouver hein, un petit peu partout sur Internet des femmes qui prennent ce qu'on appelle ou ce qu'on a encore dans nos têtes des emplois d'hommes, donc des femmes chefs de chantier ou qui travaillent dans les BTP et qui sont victimes de sexisme ou même qui sont moins payées que leurs collègues alors qu'elles ont peut-être des diplômes plus hauts. Enfin voilà, je sais pas si on va s'enfoncer dans les méandres de la discrimination. Discrimination, sexisme, ouais, c'est vrai que hein, c'est aussi un combat aussi de l'emploi. Alors, c'est vrai que ma page Facebook n'est pas faite pour ça. Elle est faite déjà pour trouver du travail, ce qui est déjà pas mal. C'est après, l'arrêt, le deuxième côté du travail, derrière, après, là, je peux pas faire grand-chose, quoi. Non, bien sûr, vu que le but premier, c'est de trouver du travail et d'essayer de s'en sortir, hein, que chacun sauve sa peau. Et bah, cette page, hein, c'est un groupe même dans lequel on travaille ensemble, hein, on est plusieurs et on n'est pas tout seul. On va même, on marche pas seul, contrairement à Jean-Jacques Goldman, qui est l'intitulé de la dernière pause musicale qu'on va s'écouter. Donc on s'écoute, je marche seul, vous l'avez bien compris. Et on se retrouve juste après. Comme un bateau des c'était Je marche seul de Jean-Jacques Goldman. Vous êtes toujours dans l'émission L'heure des loups, toujours avec Lissigno pour le groupe Emploi Vosges et avec Cassandra. Et on arrive tout doucement à la conclusion de l'émission, quoique je ne sais plus quels étaient les axes qu'on avait employés juste avant la pause musicale. On partait sur la discrimination et les choses comme ça, mais on ne voulait pas rentrer dans les détails. En effet, tu as raison, et on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour les quelques minutes qui nous restent, je pense qu'on peut faire un petit topo. Oui, vu le temps qui reste, voilà. Sur la page, on peut déposer son CV, ouais. Qui permet à des gens sans intérim de les récupérer aussi. Donc ça permet un partage, c'est sympa. Le but de cette page, c'était quand même le partage. Enfin, du groupe, c'était le partage. Le partage d'emploi, le partage d'idées, le partage d'entraide. Si quelqu'un avait du mal à écrire une lettre de motivation, poser des questions, essayer, de s'entraider à trouver du boulot. C'est le but, franchement, c'était vraiment le but, c'est le but de la création de cette page, c'est vraiment l'entraide de trouver du job, de s'entraider, de pouvoir décrocher quelque chose. D'ailleurs, tant qu'à faire, on va finir de vendre ta page, parce que d'une certaine manière, il faut la mettre en avant, qu'on continue à la connaître. Si quelqu'un, peut-être, qui connaît LinkedIn, il peut peut-être se demander quelle est la différence entre LinkedIn et groupe, et qu'est-ce qu'il aurait de plus à gagner en allant sur ton groupe à toi. Il y aura peut-être plus d'entraide. Je sais pas si on fait plus que Pôle emploi. Je pense pas qu'on fait plus. Je pense qu'on est pas une épine dans leur pied non plus. On est un complément. Voilà. Donc on peut venir sur notre page et puis je pense qu'on peut trouver de l'entraide, ce que je viens de dire quoi. C'est des coups de main, c'est des conseils, des choses comme ça. C'est le but de la page. C'est vraiment de trouver ce qu'on cherche, quoi, oui, j'espère. Et des rapports humains. Des rapports humains aussi, c'est vrai. C'est le plus important. Alors, parce que... des bons et des mauvais côtés aussi, des fois. Alors, quand il y a des personnes qui s'embrouillent, partout, voilà. Alors là, on ne va pas chercher qui est-ce qui a tort, qui est-ce qui a raison. On prend les deux et on leur dit au revoir, merci, bonne journée. Et à bientôt. Donc on les bannit du groupe et terminé. On ne cherche pas à discuter, à savoir qui est-ce qui a tort, à prendre parti. Voilà. Donc on exclut les deux personnes et terminé. Voilà. On reste impartial. Quoi. Voilà. C'est, je pense, quelque chose d'important pour être le plus juste possible et que ça avance, en fait. Que la page Emploi Vosges ne devienne pas une immense bataille comme, les combats dans... Dans Astérix, tu sais, Astérix et Obélix, avec tout le village qui se bat pour la fraîcheur du poisson. C'est ça. Voilà, toi, tu fais tout pour que ce soit un espace sain, prolifique ou mince, fertile. Voilà, c'est je cherchais le mot fertile. Mmh. Et que les choses avancent, qu'il y ait contributeurs, personne qui a bénéficié des contributions, enfin qui a un petit peu tout le monde, ça fait presque monde des bisounours, mais bon, d'un autre côté, ça fait du bien de voir qu'il y a des pages comme ça d'entraide, que les gens ont envie en fait d'être solidaires. Ouais. Alors il y a plein de personnes qui postent donc les offres d'emploi. Souvent c'est pas c'est pas eux qui ont créé, donc ça sert à rien d'aller discuter avec eux aussi. D'où c'est, pourquoi, en quoi ça concerne le poste, les choses comme ça. Des fois on publie juste l'offre, on n'est pas propriétaire de l'offre, on propose pas cet emploi. Donc des fois il y a certaines personnes, mais est-ce que tu peux donner des détails sur l'offre d'emploi? Ben non, moi je l'ai copié, collé sur cette page, voilà, je l'ai partagé. Après, à toi de te renseigner aussi, d'aller chercher un petit peu plus loin que son nez. Parce que on veut bien aider les gens, mais on ne veut pas les materner non plus. On ne va pas mâcher non plus le travail, les amener au travail, les amener devant le patron, voilà, et discuter à la place de lui au patron, voilà, quoi, on n'est pas là pour ça non plus. Oui, on veut bien aider, mais on a nos limites. Parce que vous restez aussi, après tout, relais. C'est parce ça. Que c'est important de le dire, vous n'êtes pas personne qui offre de l'emploi, vous retransmettez des informations et comme tu le disais, pour chercher plus loin que le bout de son nez, j'imagine qu'il y a toutes les coordonnées des employeurs qui sont indiquées, il suffit simplement d'aller les contacter directement. C'est ça, C'est souvent ça. Voilà, le plus simplement du monde pour ton groupe Emploi Vosges. Sur Facebook, il n'y a pas de site internet. Non, il n'y a pas de site internet. Mais voilà, donc au moins, ce sera indiqué en podcast sur le Facebook. Et je pense que sur notre site internet, y aura encore une fois le lien de la page Facebook qui sera indiqué. Et je ne sais pas s'il y a encore quelques axes qu'il faut qu'on mette en avant dans cette émission. Écoute, est-ce que et c'est toi le créateur de la page. Non, mais Cassandra, est-ce que tu as une question? Je ne sais pas, moi. Non, ça va. Ouais, non, on pour a fait le moment, tour, je ne recherche pas de boulot, mais ça va. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour aussi? Enfin, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de la ouais, page. Ouais, tu as bien expliqué. Détail, Je pense qu'on a fait le tour, voilà. Il me semble aussi, et puisqu'on a fait le tour, ça va tout doucement être l'heure de se dire au revoir. Et comme on disait, qui dit heure de se dire au revoir est forcément générique parce que vous avez commencé à l'entendre. On va retrouver dans quelques instants Antoine pour son émission « Ce qu'il faut savoir ». Puis ce sera Mosaïque avec François à partir de 21h. Et on se retrouvera demain matin de 7h à 8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, elle sera en podcast sur notre page Facebook ou sur notre site internet radiogemozo.eu, émission et rediffusion, rubrique l'heure des loups. Oui, Lissignon ? Ça, c'est moi aussi qui l'ai créé, la page Facebook de la radio. Je suis contente. Oui, tu vois, encore un outil qui contribue... Voilà. Qui permet plein de choses. Et comme je reprends le film, parce que ça, c'est des automatismes. Vas-y. Ça y est, tu m'as perturbé exprès. Donc oui, le podcast, il sera aisément écoutable, aisément téléchargeable sur ordinateur, tablette, smartphone, tous les systèmes d'exploitation. Ça fonctionne. Et comme demain, ce sera jeudi, on sera suivi de la chronique de Michel, puis de la matinale de Marion à 8h30, qui vous racontera le programme de la journée de demain. Sinon, on se retrouve demain soir à 18h, 19h, pas en direct à nouveau, mais on va parler de santé avec Thomas Defranoux et Mathilde, des chroniques du vendredi matin. Enfin voilà, je pense qu'on a donné toutes les informations nécessaires. Lissignon, Cassandra, merci beaucoup pour votre temps, vos questions, votre merci attention. Merci à toi. Merci Lou. Et merci aux auditeurs qui nous suivent comme tous les soirs. Enfin bref, je vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite une très très belle soirée et à demain tout le monde. Bon appétit à tout le monde, ciao.